L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Micropolis, c'est du 21 au 24 mars 2024 au Théâtre La Manufacture. Pour nous en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Ariane Lipp. Bonjour. Bonjour Valentin. Vous êtes directrice adjointe et aujourd'hui on va donc parler avec vous de Micropolis. En quelques mots, c'est quoi Micropolis ? Micropolis, c'est un festival donc sur 4 jours, comme vous avez pu le dire, qui se déploie pas seulement au théâtre, mais sur le site de la Manufacture, dans l'objectif de recréer une petite cité théâtrale dans différents lieux qui entourent le théâtre et proposer au public une douzaine de formes artistiques qui sont conçues pour être jouées dans des lieux non dédiés, c'est-à-dire des lieux qui ne sont pas équipés, qui peuvent être des centres sociaux, bibliothèques, salles de classe, salles des fêtes, gymnases. Ce sont des formes qui sont faites pour l'itinérance. L'idée, c'est d'amener le spectacle vivant aussi à la rencontre d'un public qui est peut-être pas habitué au spectacle vivant habituellement ? Tout à fait, ou qui peut être éloigné des théâtres, donc des publics qui sont sur des territoires plus lointains des centres-villes. Donc effectivement, je pense aux territoires ruraux, aux territoires périurbains, des habitants qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer aussi. Donc c'est une itinérance que nous travaillons toute l'année avec différents partenaires sur le territoire de la métropole et du département. C'est un festival qui est ouvert à toutes et tous, quels que soient les âges, puisqu'on a des spectacles qui commencent à partir de 6 ans. Donc en fait, les familles peuvent venir, les professionnels aussi, qui peuvent sur ces 4 jours découvrir une douzaine de spectacles, mais le tout public très largement est cordialement invité et on l'attend. On va détailler un petit peu dans quelques minutes tout le détail, mais si on veut déjà retrouver les informations, savoir où ont lieu chaque spectacle, est-ce que déjà il y a un site web, un programme disponible en ligne ? Oui, tout à fait, c'est le site du Théâtre de la Manufacture, donc c'est www.théâtre-manufacture.fr. Et à la rubrique Micropolis qui se trouve de toute façon sur la première page de ce site internet en actualité. Donc on l'a dit, il y en a 12 donc à la Manufacture et ailleurs. Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de nous présenter particulièrement ? Oui, je peux vous présenter par exemple un spectacle qui est produit par le Théâtre de la Manufacture qui s'appelle Le Pain de la Bouche, qui a été créé dans le collège Nikita Saint-Phal à Nancy, qui est pour un public de collégiens et lycéens, mais aussi un public... C'est un spectacle qu'on peut découvrir en famille puisqu'il parle de la question de l'orientation, qui est une question qui peut être source d'angoisse pour nos jeunes collégiens et qui, du coup, va aborder cette thématique-là en prenant appui sur un personnage qui se rêve d'être boulangère. Avec une disposition un peu particulière pour ce spectacle puisque les spectateurs ne seront pas forcément face à la scène mais mis dans quatre coins d'un carré. Oui, c'est le principe de tous les spectacles que nous proposons à Micropolis, d'ailleurs, puisque c'est des spectacles qui se jouent devant un public assez restreint. Les jauges qu'on nous proposons selon les spectacles vont de 18 à 100 maximum. Donc on est vraiment dans une configuration où le spectateur peut voir les spectacles en grande proximité et être vraiment en connexion très forte avec les acteurs. Et donc du coup, ce dispositif est en quadrifrontal. Le public est réparti sur quatre côtés et ça se joue vraiment en grande proximité, à un mètre de distance. Un autre spectacle que moi je trouve plutôt intéressant, c'est Jeune mort de Guillaume Caillé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Jeune mort donc est un spectacle qui a été créé au Festival In d'Avignon l'été dernier, qui parle donc écrit. Guillaume Caillé est lu par Guillaume d'ailleurs sur scène. C'est un spectacle que le spectateur découvre au casque. Chaque spectateur a un casque qu'on lui prête le temps de la représentation et il va découvrir, en fait, il va être témoin privilégié de la trajectoire d'un jeune qui va se radicaliser à l'extrême droite, qui ne trouve pas de sens à sa vie ni dans la société et donc il va dévier. Et donc on va suivre son parcours. Il y a sur scène donc Guillaume qui lit son texte et il est accompagné par un musicien et un créateur son. Donc ça c'est plus pour jeunes adultes à partir de 16 ans pour cette représentation. À partir de 16 ans, oui, tout à fait. Et pour vraiment, c'est pas coup de poing à découvrir oui, avec une crise très politique. Un spectacle dans l'actualité. Oui, complètement. Pour les plus petits, Les hamsters n'existent pas d'Antonio Carmona. Donc c'est un auteur qui a écrit plusieurs pièces pour la jeunesse, avec deux acteurs à partir de 8 ans. Un spectacle qui est très joueur. Les acteurs s'emparent de multiples personnages et racontent l'histoire de Bubule, qui est un hamster qui disparaît une nuit. Et donc, son jeune propriétaire, Baptiste, va essayer de le retrouver. Et en fait, ça parle de la perte et de la disparition. aussi dans un contexte bien particulier familial, puisque ses parents viennent de se séparer. Et donc, en fait, Bubule représente un petit peu et symbolise sa vie de famille qui va évoluer du coup différemment que ce qu'il avait imaginé. Et donc, comment il peut, lui, retrouver cette place et comment la famille peut continuer à survivre malgré tout. Et voilà, donc Bubule est ce petit hamster qu'il va rechercher tout au long de la pièce. Et ça va aborder avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour ces thématiques. Ce spectacle, il a 5 représentations, dont 4 réservées pour les scolaires. Exactement, tout à fait. Et il sera présenté au Goethe-Institut le jeudi et vendredi, donc pour les scolaires, et le samedi en tout public au conservatoire. Alors évidemment, il reste plein d'autres spectacles hein, sur la douzaine proposée qu'on n'a pas forcément détaillé. On le rappelle, hein, pour les auditeurs, le plus simple, c'est de se rendre sur le site internet pour retrouver toute la programmation. Oui, peut-être 2 autres spectacles grand public, ceux-là, et qui sont vraiment accessibles à tous, le vendredi et le week-end. C'est la saga de Molière, qui aborde l'histoire de Molière d'une façon assez drôle par une équipe que de femmes. C'est à voir en famille dès 10 ans, tout samedi et dimanche. On a plusieurs représentations. Et peut-être l'Addition aussi, qui est une pièce créée pour le Festival d'Avignon IN, qui est aussi très drôle. C'est une petite bulle de quotidien. Un acteur joue le serveur et l'autre le client dans un restaurant. Le client commande sa consommation. Et là, ça va partir en drame absolu dans un comique de répétition assez rythmé. Ce spectacle est aussi à voir en famille à partir de 12 ans. Un spectacle, ouais, effectivement, pour toute la famille, qui aura 2 représentations le vendredi à 21h et le samedi à 18h, les 2 au théâtre de la Manufacture. Et donc, on lisait un programme à retrouver entièrement sur le site web. Est-ce que, si certains de nos auditeurs n'étaient pas encore convaincus, est-ce que vous auriez un dernier argument à donner pour motiver peut-être les plus indécis qui nous écoutent? Ben oui, puisque c'est Micropolis se passe sur le week-end du printemps, on espère avoir le beau temps. En tout cas, on organise sur le site du théâtre un espace guinguette, il va y avoir un point restauration, des podcasts à découvrir au casque audio. Voilà, il y a tout un village qui se monte et donc une ambiance et en grande convivialité et en grande proximité puisque les artistes vont aussi circuler. Et donc le public vivra aussi l'entre-deux, entre deux spectacles de façon... j'imagine très joyeuse. Micropolis, donc, spectacle, festival de théâtre au Théâtre de la Manufacture, mais pas que, à découvrir du 21 au 24 mars. Et on retrouve toutes les infos sur le site www.théâtre-manufacture.fr. Merci beaucoup, Ariane Lib, directrice adjointe, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, à très vite. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.